Zacharie chapitre 2. J'élevai encore mes yeux, et regardai, et voilà un homme qui avait à la main un cordeau à mesurer, auquel je dis, « Où vas-tu ? » Et il me répondit, « Je vais mesurer Jérusalem, pour voir quelle est sa largeur, et quelle est sa longueur. » Et voici, l'ange qui parlait avec moi, sortit, et un autre ange sortit au devant de lui, et lui dit, « Cours, et parle à ce jeune homme-là, en disant, « Jérusalem sera habitée sans muraille, à cause de la multitude d'hommes, et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Mais je lui serai, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai pour gloire au milieu d'elle. Ah, fuyez, fuyez hors du pays de l'Aquilon, dit l'Éternel, car je vous ai dispersé vers les quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Ah, Sion, qui demeure avec la fille de Babylone, sauve-toi. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, lequel après la gloire m'a envoyé vers les nations qui vous ont pillé, que qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Car voici, je vais lever ma main sur eux, et ils seront en proie à leurs serviteurs, et vous connaîtrez que l'Éternel des armées m'a envoyé. Réjouis-toi avec chant de triomphe, et t'es gai, fille de Sion, car voici, je viens, et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Et plusieurs nations se joindront à l'Éternel en ce jour-là, et deviendront mon peuple, et j'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. Et l'Éternel héritera Juda pour son partage en la terre de sa sainteté, et il choisira encore Jérusalem. Que toute chair se taise devant la face de l'Éternel, car il s'est réveillé de la demeure de sa sainteté.